Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères pouvoir ressusciter les morts mais avoir deux pupilles ou alors pouvoir devenir un monstre très très fort mais pas trop pouvoir le contrôler? Les morts avec deux pupilles. Ah, tu veux les deux pupilles? Ah ouais. Les pupilles. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back. And literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being! Respect the cock. I'm a Vietnam veteran! Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Allez, aujourd'hui, épisode de numéro 39, où nous allons vous parler de The Mummy, la momie en français. Ouais. Film sorti en 2017, réalisé par Alex Kurtzman, où Tom Cruise joue le rôle de Nick Morton. Voilà. Ouais. Avec une bande son fantastique et absolument pas originale. Moi, j'ai noté bande son éclatée au sol, mais bon. Wow. Serena, avais-tu déjà vu ce film? Étais-tu contente de cette incartade dans le Dark Universe? Alors, je crois que je l'avais déjà vu et même que je l'avais vu au cinéma en Italie. Je crois. Ah, donc c'est un grand film alors. En tout cas, c'est arrivé jusqu'à là-bas. Et j'avais pas trop envie de le voir. Ah. Parce que je sais pas, je me rappelais plus rien du film et je me suis dit, j'en ai entendu de mal. Donc ça fait un peu, ah, allez, vas-y. Et je l'ai regardé hier soir. Et toi? Je l'ai regardé hier soir. La dernière. Et moi, je ne l'avais jamais vu. Ah. Je savais effectivement que c'était considéré comme un pas bon film. Donc, ouais. Je me suis dit pourquoi pas après tout. C'est plutôt censé être le plus mauvais film de Tom Cruise. Donc j'étais curieux en me disant ah, ça peut pas être pire que ce que j'en ai entendu parler. D'accord. Point. Donc pas quoi qu'il arrive, je passerai pas un mauvais moment quoi. Mais on verra. On se résume ça. Enfin, tu vas résumer ça. Yes. Avec brio. Bon, résumé simple, hein, c'est du sable, des corbeaux. Des iris, double iris. Des doubles pupilles et en avant, quoi. En avant. Allez. Nous commençons les films avec les noms de boîtes de prod. Ah oui. Qui m'ont vachement interpellé. Ah. Notamment... Dark Universe. Chose que j'ai jamais vue par ailleurs. Ben normal, on y reviendra. Mais ça, c'est un concept marrant, le Dark Universe. Citation au début du film, la mort n'est qu'un portail vers une nouvelle vie. Vivant aujourd'hui, nous vivrons à nouveau. Sous maintes formes, nous reviendrons. Prière égyptienne de résurrection. Résurrection. Étincelle, flamme de... Templiers, des Templiers. Angleterre, 1127 après Jésus-Christ. Il y a une prière chuchotée, une prière chuchotée et une pierre rouge, une espèce de gros rubis. Un homme dans un cercueil, un Templier dans un cercueil, et ils mettent la pierre avec lui, ils ferment les cercueils. Angleterre, dès le jour. Cut. Trois hommes qui font des travaux entrent dans une crypte. Ils font des. Comment dire, ils creusent sous terre. Oui, ils font des tunnels. Voilà, ils font des tunnels et ils tombent dans la crypte des croisés, du coup. Mmh. Et ils voient des milliers de tombeaux. JT, il raconte. Est-ce qu'il y a François Hollande? Non, c'est la dernière fois qu'il y a eu un JT. Mais non, on est en Angleterre. Ah oui, mais il y a un archéologue qui ressemble à François Hollande. Non, je rigole. Et ils disent, les JT en gros, qu'il y avait le métro, les Crossrail, prévu de creuser 40 km sous terre dans Londres et qui sont tombés sur une crypte abritant des dépouilles de croisés. Et il y en a plein des cryptes submergées par les Tamises. Par la Tamise ? La Tamise, oui. La Tamise. Et c'était des croisés qui avaient envahi l'Égypte. Mystère. Avec un titre comme La Momie, c'était... il doit bien avoir un oui, lien. Bah oui. Mais ils sont arrivés en Angleterre. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, gros trajet. Donc, il n'y avait pas le métro, du coup, à l'époque. Oui, non. Sur les sites là où ils ont trouvé les cryptes, arrive un homme, Russell Crowe. Ah, Gladiator, je connais. Gladiator arrive et dit « Évacuez vos hommes, ces sites, maintenant, on prend les relais. » Il se retrouve devant un espèce de tombeau, une espèce de... Une espèce de grande porte ronde. D'un pierre avec des hiéroglyphes. Ouais, on sent que c'est mystérieux. Oui, c'est mystérieux. C'est mystérieux. De toute façon, dès qu'il y a un truc, ils mettent des hiéroglyphes et ça fait mystérieux. Hein. Et donc, Russell Crowe, on lui dit « Mais qui êtes-vous ? » Il ne répond pas et il parle dans sa tête. Il dit, et il raconte l'histoire de la princesse Amanette, qui était belle, rusée, impitoyable. Il dit vraiment ça. « Unique héritière du trône d'Égypte. Les pharaons, avant de mourir, un héritier, c'est un fils, donc il prend le pouvoir sur elle. Donc elle décide de s'allier avec le mâle supérieur et devient aînée un monstre. Donc on voit une scène où elle fait un pacte de sang avec des corbeaux à poil à l'envers qui font... et elle est à poil. Hein. Elle a du coup, quatre pupilles, quatre iris, moi je dirais. C'est vraiment tout le... Oui, bah c'est l'intégralité, c'est les pupilles, c'est... iris, tout confondu. Tout confondu. Donc, elle renaît un monstre, elle tue le pharaon, elle tue la femme du pharaon, elle tue le bébé. Elle promit au démon de lui donner un corps, de donner un corps à Seth, les dieux de la mort. Oui. En fait, elle fait un pacte avec les dieux de la mort. Oui. Et elle choisit un élu qu'elle va poignarder. Et donc, dans ces espèces de rituels, elle reçoit une dague avec la pierre rouge, les rubis qu'on a vu au début du film. Et elle va pour tuer l'homme qui va être le corps pour les dieux Seth, donc les dieux de la mort, qui sera invincible sur Terre. Et elle s'est fait arrêter juste avant de les tuer. Elle s'est fait tirer des sous, en gros. Et la momifie vivante. Oui. Et l'amène dans, très, très loin d'Égypte. Là, elle restera condamnée aux ténèbres éternelles. Oh, très très loin, c'est pas très... 1500 très... kilomètres quand même, pour oui, l'époque. Bon, c'est pas fou. Oui, bon. Les autres, ils étaient rentrés en Angleterre, hein, entre-temps. Bon. Et là, la voix off de Russell Crowe, qui raconte toute cette histoire, dit « La mort est un portail, il est passé... » ne peut jamais rester enterré. Tantantant de mamie, titre. De mamie. Mésopotamie, aujourd'hui appelé Irak. On voit des hommes avec des jumelles, voilà, qui regardent un lieu un peu historique, archéologique. Il y a des insurgés qui sont arrivés. Il y a un homme qui dit à l'autre, mais là, c'est trop tard, désolé, on peut pas y aller. L'homme qui reste en silence, il regarde une lettre où il écrit, chère Jennifer, va voir les tombeaux. Le site du Haram. C'est ça. Donc. Signé Henri. Henri, oui. Tom Cruise, donc les deuxièmes hommes. Il a son truc, voilà. C'était Tom Cruise. Il dit ça, c'est tante. L'autre, cheval, du coup, s'appelle Veil. Veil, ouais. Veil. Il lui dit non, mais on peut pas, on est hyper loin du QG. Il croit qu'on est à 150 bornes d'ici. Là, on va se faire tuer. Il y a que les insurgés, c'est la mort. Tom Cruise dit rien à foutre, on y va quand même. Harry, s'il veut ses trésors, il va payer les doubles. Donc il y a un trésor, il s'agit d'un trésor. Espèce de fourbe, de mercenaire fourbe que serait Tom Cruise. Bah, en fait, les deux, on comprend, c'est des gens de l'armée. Oui, c'est des éclaireurs de l'armée, mais qui, bon, s'ils peuvent filouter, ils filoutent. Ils sont des pillards, quoi. Ils dépouillent les trésors, ils les revendent au marché noir. Bravo, bravo l'armée américaine. Bravo Tom. Donc, ils disent, mais non, mais Tom Cruise dit, t'inquiète, ça sera ni vu ni connu. Ils arrivent dans le village, fusillade. L'autre, Veil, je ne sais plus. Chris. Il appelle les secours de l'armée. Donc, il appelle les renforts aériens qui arrivent, bombardent partout. Et en bombardant partout, il faut un énorme trou dans le... dans le sol. Au milieu du village. Et on voit dans ce sol un espèce d'énorme statue égyptienne géantesque. Donc, quand on l'a vu au début du film, on imagine que c'est là où l'entrée du tombeau voilà, a été. Amenet. Donc, les chefs militaires disent « Ah, vous faites n'importe quoi, vous allez être emprisonnés, tout machin truc, c'est pas bien. » Jennifer, donc, une femme, arrive, tchac, elle donne une grosse gifle à Tom Cruise en disant « Mais tu m'as volé ma carte. » Il dit « Non, mais je te l'ai pas volé et tout. » Bon, elle raconte en gros qu'ils ont couché ensemble, qu'il a fouillé dans ses affaires et qu'il lui a volé la carte et qu'il est parti le lendemain. Donc, bon, Tom Cruise, il s'est fait un peu des blagues. Il est un peu bidon, mais c'est marrant quand même. Et elle regarde dans les trous, elle voit les trucs égyptiens. Elle dit « Mais c'est fou, c'est égyptien. On est à 1500 km de l'Égypte. Et c'est bizarre qu'il y a ces trucs-là. » Donc, elle dit « Non, mais colonel, c'est une découverte majeure. Il faut sécuriser les villages. Je dois aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. » Il dit « Vous avez que 2 heures, après on part. » Les trois descendent à rappel. On voit un truc des malades avec des statues, une espèce de grotte souterraine immense. Il y a des stalactites, oui, stalactites qui font tombent. Couler du mercure liquide, oui, qui part des canalisations, va dans un lieu où il y a plein de statues autour. Et le mercure, il fait une espèce de bassin sur ces lieux. Il y a un cours d'eau rituel, une chaîne rituelle qui entoure ces bassins pour mettre en garde les intrus. Il y a des hiéroglyphes écrits. Il y a 6 cadavres de 6 grands prêtres de l'époque. Et les statues regardent vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Donc, elle dit, l'archéologue Jennifer, elle dit, c'est pas un tombeau, c'est une prison. Entre-temps, les colonels disent, il faut y aller, les ennemis approchent, allez, prenez ce que vous pouvez, on y va. Tom Cruise sort son pistolet et, pris d'un coup de folie, tire sur la chaîne rituelle qui bloquait les corps et par un mécanisme de... Comment on appelle les trucs qui tombent ? Les engrenages. Les poulies. Des poulies. Un truc sort du mercure et c'est les sarcophages. Donc elle dit, celui-là, il faut l'amener absolument avec nous. Il a l'air trop bien. Il n'est pas dangereux du tout. Il n'est pas dangereux du tout. Et en même temps, il y a des milliers d'araignées qui commencent à sortir de partout. Pas du tout un signal pour dire qu'on a fait une connerie. Hein. Non, pas du tout. Ils n'ont jamais vu Indiana Jones. Les araignées commencent à l'attaquer et une araignée le mord. Il commence à tirer sur les araignées. Tom Cruise a une vision de Amenet, donc la princesse qu'on a vue au début du film, qui lui dit « Tu es mon élu ». Et quand t'as dit tu es mon élu, c'est pas tu es mon maire de quartier, hein. C'est tu es l'élu de... De élu de mon cœur. Parce que tu m'as libéré. Prophétie. Oui, de la prophétie. Bon, ils arrivent à sortir l'hélicoptère. Il y a une tempête de sable géantesque qui arrive. Ils arrivent à monter sur un avion. Il va super mal. Il est de plus en plus pâle, machin. Tom Cruise et Jennifer, ils se disputent un peu sur l'avion. Vail sur l'avion a les yeux à l'inverse. Donc, il a plus de pupilles, tous les yeux blancs. Et là, on comprend que ça va merder. Oui, c'est pas ouf. Non. Tom Cruise voit continuellement des visions de Amenet. Qui lui dit « Tu es mon élu, merci de m'avoir libéré, blablabla. » Veil se relève, il a un œil blanc et un œil avec la pupille, il est en mode zombie. Avec un couteau, il tue les colonels. Il va vers Tom Cruise pour le tuer aussi. Ils n'arrêtent pas, ils disent « Veil, qu'est-ce que tu fais ? Arrête !» Et Tom Cruise lui tire dessus 3 fois. Veil, il est mort. Il n'avait pas l'air méga vivant avant. Non. Il le tue et qu'est-ce qui se passe? Dans le même instant, il perd un moteur d'avion. Donc l'avion il commence à chuter. Et puis ils vont dans la cabine. Il y a des corbeaux qui s'écrasent sur les vitres. Sur les vitres, mais par milliers. Donc l'avion il perd. Il est en train de chuter, bizarrement, en Angleterre. Ah, on n'est pas déjà vu un truc en Angleterre. On sait faire les liens, tu vois. Un autre moteur se tombe, l'avion est en chute libre. Oui, voilà. Tout le monde est en train de mourir. Tom Cruise arrive à mettre un parachute à Jennifer, qui se sauve. Lui, il crache avec l'avion. Ok, bon. 4. Blanc. On est blanc. Fondu au blanc. Noir. Blanc, oui. On est à l'obitoire, non, comment on dit, là où sont les morts. La morgue. À la morgue. Oui. L'obitorio. Ben oui. À la morgue, Jennifer est à l'extérieur et on lui demande de reconnaître les cadavres, dont il y a Tom Cruise. Tous mis dans sous plastique. Oui. Et là, Tom Cruise s'élève. Il est vivant, il enlève son plastique, il a zéro ingratignure, il s'est pas blessé, il va bien. Il est vivant. Il a zéro vêtement. Il a voit... juste une petite étiquette sur le pied. Oui, qui disait mort. Voilà, ce monsieur est mort. il voit Vile qui lui dit « il faut qu'on parle ». Mais il est mort, Vile, aussi. Oui. Donc il a des visions de Vile aussi. En mode zombie, il le voit en plus. Il dit « ok », mais après il disparaît parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient dans la pièce. Entre-temps, on voit deux policiers qui vont là où il y a eu les crashs d'avion, qui cherchent les sarcophages. Et oui, les débris, les morts, les trucs comme ça. Quoi. C'est la nuit, bien sûr. Oui, parce que sinon, c'est pas un bon film d'horreur. Hein. Et il trouve les sarcophages, mais il est ouvert, il n'y a rien dedans. Et là, il y a une espèce de momie Gollum qui sort, qui est à Ménette, qui embrasse le premier policier, qui il le fait devenir une espèce de zombie momifié. Oui, elle bouffe la elle vie. Elle prend sa vie. Ouais. Et elle embrasse l'autre, pareil. Et du coup, elle commence à prendre des forces. Et les deux la suivent. Et les deux s'élèvent et la suivent en zombie. Tom Cruise, Tom Cruise, entre-temps, il est avec Jennifer au bar et les deux sont complètement démunis parce qu'ils disent « mais t'as eu un crash d'avion et t'as rien eu ». Oui, c'est ça. « What the fuck ?» Il ne comprend pas. Donc, Tom Cruise raconte qu'il a des visions. Elle dit qu'il y a une théorie sur la princesse, que la princesse cherche la dague donc, avec la pierre et que... la dague de Seth, c'est ce qu'ils appellent, et que c'est un poignard cérémonial orné d'une pierre précieuse, blablabla, bla bla bla, et que la dague et la pierre ensemble ont le pouvoir de donner la vie à Seth. Bah, ça répète un peu ce qu'on a eu au début quand même. Ouais. Ça précise, mais bon... Et elle dit, je pense qu'elle est cachée en Europe par les croisés. Et oui. Et probablement que dans un des tombeaux qu'on a découvert à Londres, il y a la pierre. D'ailleurs... c'est l'inscription du début qu'on a vu dans les trucs des croisés qui nous a amené au tombeau d'Amenette. Ah, elle dit ça. D'accord. Donc c'est pour ça, parce que c'est Harry, il lui a dit regarde l'arabe. Ah, d'accord. Ah, ça y est. Russell Crowe, c'est Harry pour tout ça. Oui, oui. Pour tout vous dire. Va apparaître à nouveau, il dit viens, viens, Tom Cruise, je dois te parler. Donc Tom Cruise dit attends une seconde, je vais voir Vai. Vai lui dit on est dans la merde, mon pote, il faut faire tout ce que la nana te dit, mais la nana, la déesse, là, Amenette. Et sinon, c'est la fin pour nous. Et moi, je suis déjà mort, mais on est maudit. Tu es maudit. Oui, c'est ça. Ils ont une malédiction. Voilà. Entre-temps, Jennifer appelle Harry, donc Russell Crowe, et Russell Crowe lui dit « Tu dois m'amener, Tom Cruise, à Londres. » Et arrête de lui expliquer des choses. Donc, s'il te plaît. Tom Cruise, il sort du bar parce que cette histoire de la malédiction, bon, ça le met un peu mal, il a besoin d'air. Et là, il voit Amenette et il y a des rats, des milliers de rats qui arrivent, qui lui passent des sous. Amenette va pour le prendre et là, il se réveille. Il est avec Jennifer. Jennifer, il dit, il faut qu'on aille à Londres. Et Tom Cruise dit, non, il faut qu'on aille chercher les débris de l'avion. De l'avion. Je crois que je suis maudit, mais si je vois le corps dans le sarcophage, ça ira, c'est pas une momie, oui. Tout va bien. Donc, ils vont sur le site du crash. Bien sûr, la momie Gollum est là, avec 4 zombies. Et ils le poursuivent. Il y a un truc de malade. Ils bloquent Tom Cruise. Elle arrive à récupérer la dague. Tom Cruise, il est tenu par 4 zombies. Elle va pour le poignarder. Et il manque la pierre. Et du coup, ça s'arrête à la... Elle s'arrête, seconde. Elle n'est pas contente parce que ça ne marche pas. Donc, Tom Cruise en profite pour s'échapper avec Jennifer sur une ambulance, machin. Ils n'arrivent pas à la tuer. La momie, elle est trop forte. Les zombies sont ouf. Et lui, il n'y a pas le truc où il se sent appelé. Enfin, il ne se rend pas compte, mais il retourne toujours vers la momie parce qu'il est lié à elle. Ou je sais pas quoi. En fait, Jennifer lui dit la momie est en train de te manipuler. Comme par hasard, tu voulais venir à live sur le site du crash, c'est elle qui t'appelle. Et là, avec l'ambulance, il s'échappe, mais en fait, il se retrouve toujours là où elle est. Ouais. Donc, ils essaient vraiment de s'échapper. Et là, des hommes armés avec des harpions, pouf, pouf, pouf, pouf, ils prennent la momie et ils la bloquent. Waouh, des ouf. C'est qui? bam, il tire sur Tom Cruise aussi. Cut. On retrouve Tom Cruise à Londres. On, il va dans un lieu où il y a des bocaux chelous avec des crânes, avec des têtes de vampires, avec des trucs de monstres marins. Par exemple, des monstres qui feraient partie de l'univers de Universal. Dark Universe. du Dark Universe. Et il rencontre Harry. Il dit « Ah, je suis docteur, je suis avocat aussi. » Donc, Russell Crowe, oui. Le fameux Harry qui veut ses trésors. Il dit « Je m'appelle Henry Jekyll. » Oh, oh docteur Jekyll et Mr. Comme dans le du Dark Universe. Et il dit « Je suis un spécialiste en immunologie. » En gros, il a eu une maladie, donc le Mr. Hyde, et on le voit monter en lui. Oui. Donc, il dit « Il est très méchant, il veut que le chaos et la souffrance pour tout le monde. » Et là, il injecte un remède qui le calme. Il dit « Ben voilà, moi, je combats depuis longtemps contre le mal absolu. Donc, il faut... Ben, contre le mal qui m'attaque à moi, mais contre le mal absolu. Et Aménette, c'est... le mal. C'est les mâles. Ben, elle veut réveiller le mal, en plus. Oui. Et donc, il amène Tom Cruise et Jennifer. Ah oui, non. Il dit aussi « Jennifer, elle travaille pour nous. Oui. Elle est archéologue. » Donc, Tom Cruise, tu m'as trahi aussi. Ouais, enfin, elle est archéologue, mais dans le privé, quoi. Oui, mais elle travaille pour la recherche du mal. Oui, et comment s'appelle l'agence? Prodigium ou Prodigium. Prodigium. Du latin, monstrum vel prodigium. Oui, bon, ça après. Bon. qui disent même pas qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mais bon. Il amène Tom Cruise et Jennifer voir Aménette, qui a enchaîné. Oui. Avec des tuyaux qui lui envoient du mercure. Oui, une perfusion de mercure pour l'embaumer. Dans le sang. Et en fait, parce qu'à un moment, ils le disent que le mercure était une substance que les anciens croyaient qui bloquait les mâles. Oui. Tu as arrêté, emprisonné les méchants. Bon, je sais pas. Bref. Donc, elle est bloquée à Aménette. Tom Cruise, il n'arrête pas d'avoir des visions où il la voit, il parle avec elle. Elle lui demande, en gros, de la sauver. Le docteur Jack, il dit, en gros, là, on va la momifier. Après, on va la disséquer pour étudier les mâles. Oui. Et il dit, moi, pourquoi vous voulez que je sois là, dit Tom Cruise. Parce que toi, tu es maudit. Donc, il faut qu'on te soigne un truc. Oui. Tac. Mais c'est là qu'il lui révèle pas le vrai plan. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais après, oui. Il se passe que Jennifer et Tom Cruise chatchent. Jennifer dit non, mais je sais que t'es maudit, mais en toi, tu es bon, t'es gentil, oui. Parce que tu m'as sauvé sur l'avion, tu m'as donné les derniers parachutes. Ouais, bon. Ça, c'est la préparation pour la fin. Il ouvre entre temps à Londres les tombeaux des croisés, il trouve la pierre rouge. Ah, oui. Donc, Russell dit ils ont trouvé la pierre, mais Aménette aussi, elle la voit. Elle sent le truc. Donc, Aménette commence à chuchoter des prières. Il y a une araignée qui sort des canigots, qui va dans l'oreille d'un des gardiens qui bloque les mercures et qui la libère. Oui. Ben oui, parce qu'elle est super puissante. Elle est très forte. Entre-temps, Tom Cruise et Russell Crowe expliquent que Tom Cruise est l'élu, il faudra le poignarder, faire entrer 7 dans son corps et après définitivement tuer 7 pour c'est toujours. Ça. Ils en ont besoin pour faire venir 7 et le buter. Et Tom Cruise est là... Quoi? Non, je vais... On avait dit oui, mais bon... Oups. Oups. Bataille, parce qu'Aménette, elle se libère. Entre-temps, Russell Crowe, il a un nouvel truc de Mr. Hyde qui arrive. Donc, Tom Cruise, il lui vole les médicaments. Il voit la puissance du Mr. Hyde. Finalement, Tom Cruise, il arrive à lui injecter les remèdes. Bon, rien de... Aménette est libre dans les rues de Londres. Elle invoque une putain de tempête des sables oui. Au visage avec un, ouais, du avec du le mal. Gros visage au-dessus de la Tamise. Voilà. Tom Cruise et Jennifer courent. Chris Vail, le copain fantôme. Les copains fantômes, il lui dit viens, je sais où il faut aller. Je suis allé à la pierre. Je t'amène à la pierre. Donc il les amène à la pierre. Comme ça, après, Aménette, je t'amène toi à la pierre. Aménette sera contente. Bon, un peu de. Oui, voilà, il doit se sauver comme il peut. Ils arrivent à la crypte. Il y a les zombies croisés, bien sûr, qui sont sous le pouvoir de Amenet maintenant, qui lui ouvrent la porte à la crypte, qui tue tout le monde, qui passe toute la police, les gens de l'État. Là, de toute façon, il ne reste plus grand-chose. Elle trouve, Amenet, elle trouve la pierre et la met sur la dague. L'eau de la Tamise, entre-temps, je ne sais pas pourquoi, elle monte. Ça, c'est pas très clair. Ouais. Bon, peu importe. Tom Cruise, il est emprisonné sous l'eau avec Jennifer. Il y a la momie qui arrive, qui prend Jennifer, qui l'amène tout au fond de l'eau et Jennifer, elle meurt. Voilà. Bon, ça, hop, ça allez, fait un moins. Tom Cruise, il est dehors. Il pleure parce que Jennifer, elle est morte. Amenet, elle veut le poignarder avec la dague. Et Tom Cruise, elle arrive à récupérer la dague. Il est en train de détruire la pierre. Mmh. Et après, il se rend compte que s'il détruit ça, Jennifer sera morte pour toujours. Parce que Amenet, elle lui dit, si tu deviens 7, tu seras un dieu vivant et tu pourras décider de la vie et de la mort de tout le monde. Donc, il décide de ne pas détruire la pierre, de se poignarder, de devenir 7, donc 4 iris lui aussi. Et après, il va vers Amenet. Amenet, elle le drague en mode « Ah, enfin, monseigneur ». Donc, il voit Jen derrière, donc il se rappelle que Jen lui a dit « Mais t'es un homme gentil ». Et oui. Bon. Il embrasse Amenet et il lui enlève la vie. Donc Amenet, elle redevient momie, la pauvre. Et il fait revivre Jen. Mais il a une espèce de monstre horrible en lui. Oui, bah, il a un dieu de la mort. Jen, elle revit. Il dit « Ah, mais t'as fait tout ça pour moi ?» Ah, bon. Et pour être invincible par la suite, mais bon. Bon, après ça, c'est accessoire. Et donc, Kat, au revoir Jenny, on se reverra, ciao. Ouais, bisous. Et là, bam, on se retrouve dans les déserts, on imagine de la Mésopotamie d'aujourd'hui, donc l'Irak ou ailleurs, quoi. D'Égypte, je crois, parce qu'on voit les pyramides au loin. On est en Égypte. Il y a Vail qui est revenu à la vie et Vail qui dit « Oh, merci de m'avoir mis en vie, mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Et Tom Cruise se dit... C'est hyper cool d'avoir un copain dieu. Et donc, il se dit « T'as pas un peu de goût de l'aventure ?» Et cheval, c'est parti. Cheval qui fait beaucoup de poussière. Oui, parce que... Notez ça. C'est les sables... Oui, les sables du démon, quoi, ou je sais pas quoi. Du dieu de la mort. Et on entend la voix de Russell Crowe qui dit parfois, pour tuer un monstre, parfois, seul un monstre peut tuer un monstre. Oui. Fin du film. les pyramides, fin du film. Voilà, on vous a bâclé la fin. Qui fait un sous-entendre qu'on ne sait pas si Tom Cruise il est gentil ou pas, parce qu'il est devenu un monstre, comme lui il est. Comme lui, oui, c'est ça. Mais du coup, est-ce que s'il est gentil, il pourra nous aider à tuer des monstres ? Pour une potentielle suite, j'imagine. Fin du film. Bravo. Putain. Pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, on se regarde un extrait. Ouais, si tu arrives à le voir. Ouais, moi je vois. On a des petits reflets. C'est le soleil se lève sur notre studio d'enregistrement. On se regarde un extrait. C'est la petite scène qui était un peu connue à l'époque parce qu'ils l'ont filmé en gravité zéro, donc dans un avion en gravité zéro, donc on a l'impression qu'ils sont dans une navette spatiale. Donc ils ont trouvé les sarcophages, ils sont en train de les ramener aux États-Unis. C'est avant le crash de l'avion. Voilà. C'est la panique, un moteur en moins. Oh non! Allons voir les pilotes. Appel de détresse. Y a plus rien qui marche dans le cockpit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut s'attacher. Il comprend qu'ils sont au-dessus de l'Angleterre. Ouais, c'est ça. Y a un pigeon qui s'est écrasé sur le pare-brise qui se brise. Il y a un nuage noir qui arrive. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des corbeaux! Ça défonce tout, c'est dégueulasse. Ah, dégueu. L'avion crash. Voilà, l'avion. Ouais. C'est parti pour la descente. Oula. Donc là, on est en gravité zéro, donc les gens flottent, se cognent partout. Ouais. Ils font des roulés-boulés. Ouais, c'est Cruise et Jennifer. Et ils essaient de récupérer un parachute. Oui. Bah oui, parce qu'à un moment, ça va servir. Hein. Bah ouais. Et Jennifer ne sait pas s'en servir. Ah là là, mais quelle empotée. Hop, deuxième moteur en main. Ah. chutes gravité zéro, là, c'est... Des chutes libres. Tout le monde s'est fait éjecter par l'avion, sauf eux. La porte qui s'ouvre, un mec, il est parti direct. Hein. Ah, ah, notre moteur en moins. Bon, là, ça... Ça va être vraiment délicat. Hein. Et là, ça fait petit, petit tour de l'avion. Ah non, oui. Mais non, c'est pas la même salle. Ah, ouais. Parce que là, il y a deux plans de suite. On dirait exactement le même plan. Et là, ils sont inversés. Et il y a le même mec qui tombe même. C'est marrant. Ah ouais. On dirait exactement le même. Il perd un bout de L en plus. Bon là, ils sont keblo. Au bord de... Le sol se rapprochait très très vite. Au bord de l'ouverture, oui. Jennifer, elle est à côté. Elle a son parachute sur elle. Jennifer, elle a un parachute, ça va quoi. Tom Cruise la regarde. Allez, hop. Et il lui prend la tirette. Et ça doit faire mal. Ah ouais, horrible. Et donc oui, c'est quand même accroché à son avion. Et là, on entend l'avion qui approche les sols, approche les sols, c'est sale. Ça va faire boum. Ça va faire boum dans patard. Et crash. Et rien. On n'entend pas les booms. Non, on voit juste un écran blanc. Voilà. C'est que d'aventure, que d'émotions. Ah, quel grand film, Serena, quel grand film. Alors, t'en as pensé quoi? Vas-y. J'en ai pensé. Que c'était? Bah, c'est pas bon, non. On va pas se mentir. Non. C'est ce qu'on pourrait appeler un échec, je crois. Oui, je crois que c'est effectivement pour plein l'échec. De raisons, ce film n'est pas bon. En vrai, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui marche, quoi. Il n'y a rien qui va. Bah vas-y, dis-moi. Parce que moi, je ne sais pas si... Ah ouais, toi, tu sautes des... Non, bah, en fait, au début... Non, tout le début du film, j'étais là, je me dis, bon, pourquoi pas. Ça amène où? Bon, on m'explique une première légende, on me la réexplique un peu après. Enfin bon, ça tourne un peu en rond, c'est pas très original, mais pourquoi pas. Il y a le personnage de Tom Cruise qui arrive, qui est plutôt marrant, en fait, parce que tu vois que c'est un bandit... Enfin, un bandit, c'est un filou, son copain il est fun aussi, il est génial Chris. Son copain j'adore, et les deux il y a une espèce de vibe un peu marrante de ouais. Duo comique, pourquoi pas, et puis il y a après bah, ça part un peu en cacahuète, t'as des moments ça se prend un peu au sérieux, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu vois, il y a ouais. Russell Crowe, tu dis mais pourquoi, enfin je comprends pas trop cette espèce d'entité de, enfin tu vois le prodigium tout ça machin, tu fais ouais ok, et après bon à la fin c'est après plus t'avances dans le film et pire ouais, c'est je crois enfin, vraiment plus t'avances il y a un moment où il y a plus rien qui va quoi. Ça, tout le monde joue en roue libre, c'est moche, c'est sombre, tu vois rien. Le scénario ça veut plus rien dire, ça finit où du coup on te laisse en suspens qu'en fait Tom Cruise est pas mort, mais c'est gentil, c'est méchant, il y a encore Russell Crowe, il y a encore tout le machin, tu ne comprends rien, ça ne veut rien dire. Ah, ils essayent, oui bon. Après bon, on va revenir sur le pourquoi de ce film, mais t'as pas trop de sens en fait, ce film n'a vraiment pas de sens, il est réalisé en dépit du bon sens, le montage est à chier. Ah ouais carrément, tu vois jusqu'à là. Il y a des moments où là tu fais bah enfin ça marche pas quand même. Oui. Non, la réal marche pas, c'est moche, la photo est ultra moche, c'est trop sombre, c'est verdâtre, c'est dégueulasse, c'est vraiment ça ne marche pas. Enfin moi je suis désolé mais je trouve pendant longtemps dans le film à un moment je me suis dit non mais allez, il a un côté charmant, un peu sympathique tu vois. C'est cette question de est-ce que c'est un nanar ou pas un nanar, enfin t'as le truc. Le nanar, il a toujours un côté attachant et un peu sympathique. C'est un peu drôle. Un peu drôle, tu vois. Oui. Là, en fait, il y avait vraiment, je trouve que la dernière moitié se prend tellement au sérieux que voilà, c'est, c'est dommage. Ouais. Ils auraient tout fait dans la même vibe que le début, qui ressemble d'ailleurs, pour la peine, un peu à l'ambiance que... Enfin, l'esprit, le bon esprit que t'as dans La Momie de 99, celui de Stephen Sommers, qui est très très drôle, qui est très familial, qui pour la peine n'a rien à voir, parce qu'il est... C'est un film d'aventure, fun... Tout le monde regarde. Là, ça débute comme un film d'aventure un peu fun, familial. Puis après, ça fait film d'horreur. Puis après, ça fait film d'action. Puis en fait, ça sait pas où ça va, quoi, je trouve. C'est vrai, t'as raison. Mais par exemple, sur cette partie nanar, j'avais vachement apprécié. Moi, je me suis dit au début, oh ouais, ça va être drôle. Parce qu'il y a même la bataille avec les zombies, la première qui fait, il passe à travers, c'est complètement con. Et après, c'est vrai que quand ça devient plus sérieux, même, bon, à la fin, c'est incompréhensible pourquoi il se plante son coude. Bon, non, ça, c'est complètement débile. C'est tout ruiné, tout ce qu'ils ont mis en place. Mais au début, je me disais, ouais, peut-être, tu vois, il y a un truc. même si on, bon, c'est grossier, mais Dr. Jekyll et Mr. Hyde, plus les croisés, plus l'Égypte, ça ouais, fait un là, peu too much. Hein. Un peu tout avec les vampires sous bocal. Et, mais si, pourquoi pas de. Non, mais pourquoi pas dans un univers où il y a des gens qui s'occupent des mâles et du mystique, tu vois. Mais c'est un peu. Le, alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais en fait, c'était l'objectif d'Universal. Le, ce qu'on voit au début, le Dark Universe, c'est Universal qui a voulu sa franchise, comme Disney à Marvel avec tous les super-héros. Ouais. Eux, ils voulaient une franchise. Et Universal, historiquement, dans les années 30-40, ils faisaient des films d'horreur. Enfin, il y avait les monstres Universal, l'homme invisible, le loup-garou, la créature des marais, Frankenstein. Il y en avait plein. Tu avais le fantôme de l'opéra. Ils en avaient tous. Ouais, ils en avaient des tonnes. C'était, c'était vraiment un truc. Et il y avait plein de films. Et ils se sont dit, bah, c'est. Enfin, tu vois, c'est les studios. Maintenant, ils cherchent à avoir des propriétés intellectuelles et faire fructifier. Ouais. Je sais même. C'est peut-être. Non, c'est pas eux qui vont King Kong. Ça doit être un autre. Enfin, bref. Mais du coup, et donc leur plan, c'était de dire, bah voilà. Mais on ça, met c'est, tout. C'est, non, mais c'est ça, c'est le truc des décideurs, des communicants, je sais pas qui, mais pas des réalisateurs, quoi, qui disent, bon, allez. On fait un reboot de tous les films de, qu'on peut avoir de créatures et on les met, on dit que c'est tout un univers partagé et puis on verra ce qu'on fait. Ah, ça fait un peu ça, hein, on verra ce qu'on fait. Donc là, il te balance Jekyll avec une entité pour dire voilà, en gros, c'est les Avengers des monstres. À un moment, on aura tout le monde au même endroit. On va démarrer avec la momie, puis on se garde Tom Cruise dans un coin avec un gros pouvoir si des fois. Mais du coup, oui, ça ne veut rien dire. Là où, où Marvel, finalement, est devenu une franchise parce que ça a marché, mais qu'ils avaient d'abord dit on définit un personnage, comme ça on l'a bien, et ensuite on fait un groupe, Avengers, des choses comme ça. Et après, bon, après, ils sont empêtrés dans d'autres problèmes. Oui, dans, mais après, Marvel, c'était déjà tout écrit à la base. Et c'est ça aussi, c'est déjà un univers qui existe où tu vas piocher dedans. Là, ils ont essayé de créer un truc qui était un pas. Bah là, ça existe, toutes les créatures existaient déjà. C'est juste pourquoi tu mets tout le monde ensemble, quoi. Oui, ils sont pas. Oui, ils ont voulu faire trop gros. Alors que s'ils commençaient juste avec l'Égypte, sans croisés, sans Dr. Jack et Mr. Hyde, juste la putain des momies, peut-être ça pouvait marcher un peu mieux, mais oui. Et après complexifier par la suite. Mais je pense que c'est ça. Ils auraient dû d'abord dire on fait un film la momie, que la momie, et après on verra si ça marche, ça marche pas, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a pas plu. Parce que là c'est pareil, le mélange de dire on fait un peu horreur, un peu action, un peu aventure, un peu machin. Tu sens vraiment, c'est on tente tout et on verra après. Oui. Sachant que donc le Dark Universe, c'était le premier film officiellement du Dark Universe, même si il y en a eu un autre de Universal un ou deux ans avant qui s'appelait Dracula Untold, qui était à la base prévu pour être le premier film du Dark Universe, puis ils ont dit non, en fait, c'est La Momie, c'est le premier film du Dark Universe. Okay. Ouais. Puis, il y avait déjà des trucs prévus, il y avait La Fiancée de Frankenstein, L'Homme Invisible, qui était prévu, il y avait Quasimodo, et Le Fantôme de l'Opéra. Ça, c'était ceux qui étaient projetés. Ah ouais. Il y avait déjà des castings lancés, enfin plein de trucs, des gens qui scénarisaient et tout. La Momie sort, bam, fait un résultat discutable, et hop, c'est fini. Plus de Dark Universe, plus rien du tout. Ah, c'est ouf. C'est trop triste en même temps. Parce que moi, par contre, sur le papier, ça peut être génial comme truc. Mais grave. Déjà, de se dire, on reprend tous ces monstres un peu iconiques, on les remet au goût du jour. Mais grave. Et après, on essaie de voir qu'ensemble, un truc qui marche ou pas, bon, pourquoi pas, tu vois. Moi, je suis pas forcément fan. Je me dis, regarde, ce qui est cool, c'est de faire une collection de films. Se dire, bah voilà, en fait, on trouve des bons réals et puis ils ont des bons personnages ou des bons monstres, tu vois, et qu'ils fassent un truc et que tout ça soit une collection, mais que les films soient indépendants et chacun ait leur patte, ce qui peut être chouette, quoi, aussi. Mais bien sûr. Ça, c'est très bien de les faire revivre. Ouais, mais là, du coup, de vouloir de suite faire un univers mélangé, machin, et de le rater, et donc, du coup, qu'on aura zéro Frankenstein, on n'aura rien, quoi, en fait. Bah oui, c'est dommage. À cause de ce film. Et peut-être on n'aurait pas eu les Avengers, ou les Avengers c'était déjà c'était avant. Bah là c'est 2017, c'était il n'y a pas assez longtemps que ça. Ah oui, c'est vrai. Avengers, c'est bon, ils étaient déjà loin, quoi. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est un échec impressionnant. Total. Putain, c'est trop dommage. Aïe, aïe, aïe. Bon, en même temps, moi les débuts, vraiment, même, je ne me rappelais pas du tout qu'il y avait cette meuf qu'on voyait vraiment le truc en Égypte. Je me rappelais rien. Peut-être que je ne l'ai pas vu finalement. Mais je sais pas. Mais je sais pas, il y avait un truc au début, je me suis dit, oh, bon, ça s'essuie. Ça ne m'a pas ennuyé, quoi. J'étais non, pas un peu en mode, oh, putain. Mais même moi, au début, j'étais, quand ça démarre avec le duo comique un peu machin, et que commence à y avoir des monstres et tout, je me suis dit, ah putain, mais en fait, ça a une vibe un peu, alors je mets des grosses guillemets, un peu Edgar Wright, tu sais, genre Shaun of the Dead et tout ça. Oui. Parce que t'as un truc d'horreur, mais en même temps, t'as deux potes et c'est un peu con. Oui. Mais... Et je me dis, putain, c'est ça tout le film, pourquoi pas? Et honnêtement, Universal, ouais, ils appellent Edgar Wright, ils lui disent, vas-y, on te donne la momie, fais-toi plaisir. Mais grave. Il peut faire un truc fun. Et bah, grave, mais lui, c'est un génie de en la plus, comédie. L'horreur, il a fait action comedy. Last Night in Soho, il a fait un peu d'horreur et tout. Donc, tu dis, pourquoi pas? Et en vrai, c'est ça qu'il fallait faire. Bah oui. Et au moins, t'avais un film lisible et attachant enfin en ensemble, quoi. Que plutôt qu'une espèce de pot pourri de tous les trucs où il n'y a rien qui va au bout et il n'y a rien qui marche, quoi. Interesting. Tu vois, hein? Non, mais t'as raison, je suis d'accord. Mais non, tu m'as convaincu. Moi, j'étais là. Bon, c'est pas si nul, ça va. Après, c'est nul, bien sûr. Il y a vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression que chacun fait son film dans son coin. La prod a eu l'air très compliquée. Ah ouais, ça doit être ça. Il y a eu, par rapport au Dark Universe, il y a eu des gens qui ont été interviewés plus tard, des scénaristes notamment, un qui a dit franchement, presque dès le deuxième jour, premier jour de travail, on savait que c'était mort. Que ça allait jamais marcher. Ah ouais. Dire, on nous demandait d'écrire des trucs, machin, mais personne savait ce qu'on allait faire. Ah ouais. Tous les producteurs ont dit, il faut faire ça, mais ils savaient pas si les monstres c'était les gentils, si les monstres c'était les méchants. Ils avaient aucune idée de rien du tout. Ils voulaient juste une franchise de... Qui marche. Il dit donc forcément, ça pouvait pas marcher. Et ouais, vraiment, c'est très rigolo. Il dit, voilà, ce film, cette série de films était mort-née. C'était assez impressionnant. C'est horrible de devoir vivre ça, je pense. Ouais, ça doit être dur. Hein. Bah après c'est des décideurs, enfin c'est comme d'hab, hein, c'est le truc de décideur, tu mets pas un créatif là-dedans forcément. Ah oui, bien sûr. Bah ça va pas trop le faire. Aïe. Je crois que bon. j'ai des petites anecdotes quand même, si parce qu'avant qu'on passe parce qu'après qu'est-ce qu'on sinon non vas-y deux trois anecdotes. Oui. Alors sur notre ami Russell Crowe. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Non, il disait en inter... Parce que tu sens qu'il est en roue libre, qu'il en a rien à foutre de ce film. Bah grave, mais m'étonne. Mais pendant la promo, il disait qu'il était très content d'avoir tourné avec Tom Cruise parce qu'ils étaient très amis de l'époque où il était avec Nicole Kidman. Ah. Puisque Russell Crowe et Nicole Kidman partagent le fait d'être australiens et d'avoir à peu près le même âge. Et du coup, il était très ami avec le couple. Mais il raconte en interview, donc il est content de bosser avec Tom Cruise. Il dit d'autant que depuis le divorce, j'ai la garde partagée de Nicole plutôt. En gros, tu sais, c'est genre quand tu te sépares, les amis, ils font moitié-moitié. Bah oui, bien sûr. Et c'était, l'interview est rigolote. Ouais. Mais c'est vrai que tu sens... Alors que Russell Crowe n'a pas une réputation de personne aimable, tu sens... Je sais pas, il y a un truc où tu dis, ah, ils sont pas ennemis. Ils s'aiment bien. Oui. Je sais pas, quand ils jouent ensemble, t'as l'impression qu'ils s'amusent un peu. Je sais pas, moi j'ai tellement eu l'impression qu'ils se faisaient chier. Ah oui. Il a dit, je vous le fais, mais je vais vous en faire beaucoup trop. Et vous vous démerdez avec ça. Mais après, c'est pareil. Il joue pas bien, lui, mais j'ai l'impression qu'il s'amuse. Ah oui, bah, sûrement. De toute façon, t'as plus que ça à faire. Oui, t'arrives, t'as sur un truc qui est foireux. Oui, c'est vrai. Mais c'est bon, vrai. On est loin du Russell Crowe aux triples nominations et tout ça, quoi. Non, mais bon, après, moi, Russell Crowe en soi, bof. Ah ouais? Je suis pas... T'es pas très Maximus? Non, Gladiateur, vraiment... Ok. Chiant. Bon, on fera jamais de... Mais non, mais je l'ai jamais revu depuis, donc peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Bref. Bon, voilà, j'ai pas de... Autre anecdote? Non, j'en ai d'autres, mais qui viendront plus tard. Ah. Je pense. Ah. plus tard, par exemple, maintenant, on va parler d'un truc qui rigolo. Pourrait être sympa. Est-ce que dans ce film, il y a des gens qui ont eu des Oscars? And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui. Est-ce et oui. Que bon, ce film n'a pas eu d'Oscar. Ah bon? Non, il a eu des récompenses. Ah bon? Oui. Vraiment, ça c'est bon. Oui, oui. Ça... Il a vraiment eu des récompenses. Waouh. Et Tom Cruise a eu une récompense pour ce film. Non, Razzie Award. Razzie Award. Ah, ben voilà. 8 nominations au Razzie sur 12 catégories, je crois. Waouh. Mais, mais ce film n'en a gagné qu'une, c'est Tom Cruise dans le pire acteur. Mais il est pas si mal que ça. Et oui, mais je pense que les Razzie avaient envie de se faire Tom Cruise et c'était la bonne occasion pour se le faire. Oui, oui. Mais après, les films de l'époque au Razzie, j'avais regardé, mais ça m'a fait beaucoup. C'était, il y avait le monde des émojis ou je sais pas quoi, un film d'animation qui a éclaté. Oh, il y avait le remake de Alerte à Malibu. Ah ouais. Il y avait un énième Pirate des Caraïbes absolument cata, où même Javier Bardem était pire acteur en second rôle, je sais pas quoi. D'accord, ouais. Et 50 nuances de Grey, la suite, ou je sais pas quoi. D'accord. Ça, okay. C'est, en gros, c'était les quatre ouais. films qui se prenaient toutes si les... Vais, Et c'est qui a gagné le pire film, tu Je crois que c'est les emojis, machin. Ouais. C'est, tu vois, c'est... Trop pété. Mais après, les razzies, c'est toujours ça, c'est qu'ils vont... des fois, c'est un peu trop, mais ils vont trop à fond sur le truc. Du coup, au début, c'est drôle. Et puis, au bout d'un moment, ça... quand tu fais 15 fois le même film, tu fais bon, bah, on a compris, il est pas bon ce film. Oui, oui. Alors, ailleurs, trouver d'autres blagues. D'accord. Mais bon, Tom Cruise, je pense qu'il vous laisse le faire. Oui, oui. Ce qui est bien, comme ça, moi, c'est fait. C'est fait, c'est fini, adieu. Bah, donc, il y a Tom Cruise, un razzie, mais pas d'Oscar. Dommage. Par contre, dans cette équipe, il y a des gens. Bah, Russell Crowe. Des Oscars. Oui. Il y a Russell Crowe qui avait eu un Oscar pour Gladiator. Ah ouais. Et deux nominations pour Beautiful Mind et Revelation de Michael Mann. Mais les trois années de suite, en fait. 2001, 2002, 2003, je crois. Le mec, Bloom. Bah ouais. Bah après, oui, mais toi, t'es pas Maximus, t'es pas Maximus. Ah, je suis pas Maximus. Il y a... qui c'est qu'il y avait... Il y a le monteur... Oui, parce qu'en fait, du coup, en regardant un peu l'équipe technique, tu te rends compte qu'il y a des gens qui savent faire, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas un manque de compétences. Mais non, enfin, en tout cas, pas au niveau direction. Technique et tout ça. Hein. C'est vraiment la prod que ça déconne. Il y a quelqu'un d'autre. Bon, il y en a deux autres qui ont eu des Oscars dans ce film. Qui ne sont pas acteurs. Costume ? Non. Effets spéciaux ? Non. Putain. Montage ? Le montage, ouais. Paul Hirsch, qui est le monteur de Star Wars, qui avait eu un Oscar pour Star Wars. Et il y a une autre personne que tu n'as pas dit. Alors que t'es censé être le dire Paul Macquarie. Ah, aussi, il est là. Il est là. Et alors là, et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais alors attends, où est-ce qu'il est? Donc je regarde. Et Paul Macquarie, il est au scénario. Ils sont deux, trois au scénario. Et au scénario original, donc. Et ouais. Ensuite, il y a une autre équipe qui fait l'adaptation ciné, ou je sais pas comment c'est précisé, mais en gros, il y a des mecs qui ont écrit le scénario, et il y a des mecs qui ensuite l'ont réécrit pour le film. Et quand vois le film, tu te dis, effectivement, c'est n'importe quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ah donc ouais, voilà, donc a priori, notre ami Macquarie, il était avec... je crois que je l'avais noté. Il était avec un autre gars, David Kopp. David Kopp, qui est le scénariste de Jurassic Park. Waouh. Donc t'as le scénariste de Jurassic Park et le scénariste du Usual Suspect qui se mettent dans la même pièce, qui écrivent un film. Normalement, ça devrait être comment bien, ça se fait quoi. Qu'après, c'est parti en couille. Ah oh là là. Bon, ça fait pas tout le scénario, mais... Ouais. C'est parti en cacahuète, quoi. Et Macquarie, il fait partie de la Scientologie ou pas? J'ai pas vu d'infos. Suspect. S'il y a quelqu'un de la Scientologie qui pouvait nous éclairer... Parce que là, ils sont quand même... Il est toujours là, vraiment. Ouais, moi, je pense que c'est son mec. Je pense qu'ils sont ensemble. Ah, son amoureux? Bon, j'en sais rien. Ah, je sais pas. Peut-être. Non, mais enfin, en tout cas, ils se sont trouvés, voilà. Ok, d'accord. Et le réalisateur Alex Kurtzman n'a pas d'Oscar. Ah ouais, par bizarre. Contre, du coup, en regardant, j'ai vu les films qu'il a fait. Bon, c'est des trucs genre Transformers, des machins, enfin bon, ah éclatés. Ouais. Et c'est un mec de la bande JJ Abrams. Et voilà, celui-là. JJ les bons plans. JJ les bons tuyaux. JJ, je t'aime pas. Et Kurtzman, quand même, a au final, quelques temps après, dit que c'était une expérience assez horrible, ce film, et qu'il n'était pas du tout fier du travail rendu. Notamment à cause de. Et, transition vers la rubrique suivante à cause de Tom Cruise. Parce que figure-toi que ce qui ressort, c'est que Tom Cruise était omniprésent sur la production et que ça a foutu la merde totale. Donc c'est la faute de Tom. Ouais, à force de gérer, il y a rien que... Bon après, je pense que c'est de toute façon un projet qui a été très mal géré de A à Z. Parce que effectivement, tu dois pas laisser trop de place à Tom Cruise sur un truc comme ça alors qu'il n'est pas producteur, qu'il est juste acteur. Ouais. Qu'il faut donner les moyens au réalisateur. Où faut mettre un vrai réalisateur. Enfin, il y a rien qui va, et je pense que ça n'a pas arrangé la chose. Oh là là là là. Du coup, tu vois, les acteurs sont très contents. Hein. Ouais, ça s'appelle. Annabelle Wallis était très contente. Sofia Boutella était très contente de tourner avec Tom Cruise. Ça s'est très bien passé. Attends, Sofia Boutella, c'est Aménette. C'est Aménette, ouais. Ok, d'accord. C'est une Italienne, en fait. Non, c'est une Franco-Algérienne. Ok. Parce que Sofia Boutella, ça fait vraiment italien. Bah, ça fait un franco-algérien. Et Annabelle Wallis, donc Jennifer, oui. Elle a été castée. Enfin, en tout cas, Tom Cruise adore Peaky Blinders. Et il a dit, du coup, je voudrais que vous castiez la nana de Peaky Blinders. Ah, c'est elle, c'est la nana des Vicky Blinders. Ok. Voilà. Et lui, Vail, là, c'est un, c'était aussi un, dans une série. C'est un mec de série. Mais il est marrant, lui. Girl. Lui, il est génial. Même la personne, vraiment. Moi, j'ai des entretiens, il est trop intéressant, quoi. Mais je trouve que ça marche bien. Et le duo avec Tom Cruise marche vachement bien. Mais grave. Hein. Bon. Et lui, il était un peu. Il était très content de tourner à Tom Cruise. Il avait un peu peur parce qu'il s'est dit bon, il va falloir que je bosse pour les cascades. Parce que ça va être chaud. Mais il était content. Il n'a pas grand chose à faire. En plus. Bah, au début, la course-poursuite, tout ça. Mais il l'a fait. Ouais, ça va. Tom Cruise lui a dit va, viens, on va dans mon manoir secret. Et... Ouais. J'invente des trucs, on sait jamais. Ça, ça va être une anecdote sur Internet. C'est après. Ça. Je pense que tu l'as dit. Voilà, donc okay. Qu'est-ce que je regarde ? Non, je regarde si j'ai pas des trucs. Pensez des tomes, sinon. Bah, si t'as des anecdotes, ouais, vas-y, sur vas-y. Tom. Balance sur Tom déjà. Bah. Je sais pas. Bah, pour le coup, là, c'est un film où il y a des scènes un peu gênantes. Ah. Où je me suis dit, ah, Tom. Là, ça passe pas. Je sais pas, il y a des moments où. Bof. Ça marche pas trop, notamment les visions, le machin, quand il y a les rats qui lui passent des sous, c'est hyper bizarre cette scène, oui. Qui fait une espèce de chelou. Bon bref, et j'ai l'impression que c'est aussi les rapports avec les effets spéciaux, peut-être, non oui. qui a pas trop, du coup ça marche pas trop, lui effets spéciaux, pour moi ça marche pas. Ah oui, qu'il arrive pas bien à jouer avec les incrustes, les trucs comme ça. Oui, tu vois qu'il est tout seul, en fait il a pas de contraintes extérieures, qu'il doit faire croire que il y a des milliers d'araignées, il y a des milliers de corbeaux, oui, d'accord. Mais je sais pas, mais du coup bof. Après le personnage en lui-même, je l'aime bien, le personnage des bases, je me dis ah ça aurait pu être cool. Oui, parce qu'en plus, c'est un filou, quoi. C'est pas un mec droit, mais bon. Enfin, dans l'écriture, en tout cas, ça se perd vite. Hein. C'est un peu... Et ouais, ça. Et la fin, c'est trop désespérant. Ouais. Mais le seul truc cool, c'est qu'à la fin, t'as le retour du duo comique. Oui. Moi que j'aime bien, à la rigueur. C'est oui, le seul truc que je voudrais. Mais que du coup, t'as envie de voir dans un autre film. C'est ça oui, aussi, les trucs qui est un peu bâtard, c'est que. Oui, c'est bah, ça. Là, sur les trucs bien dans ce film, c'est ceux que t'as pas envie de voir, enfin que tu veux voir, mais ailleurs. Bah ouais, que tu vas voir ailleurs. C'est faisé Dark Universe. Le secret d'un bon film. Bah oui. Bref. Bon, bah on va noter ça. Tu veux pas dire. Non, j'en ai déjà dit ce que je te disais. Ouais, hein, c'est la même chose. Hein. Il a pas des trucs. Dingue à jouer, enfin il y a rien d'exceptionnel, mais il fait le job, on va dire. Mm-hmm. Mais c'est pas le problème, vient pas de lui, en tout cas de son jeu d'acteur, en tout cas. Mm. Peut-être effectivement sur la prod et sur sa position dans le projet, peut-être oui, c'est un problème. C'est bizarre. Quand même. Mais après lui, il fait ce qu'il, mais comme tout le monde un peu, hein, je pense, tu vois. Tout le monde fait ce qu'il peut. Sofia Boutella, elle est bien, mais en vrai, c'est que bon, ça reste un gros zombie, quoi. Oui. Donc. Moi, je la trouve pas si mal. Moi, je la trouve bien aussi. Ouais. Mais bon, c'est le monstre du. Enfin, je sais pas. Oui, oui. Ouais. Russell Crowe, il en fait peut-être un peu des caisses. Ouais, c'est là où. Mais tu c'est vois. C'est très bizarre. Annabelle, Russell Crowe est très gênant. Ouais, un peu. Putain. Annabelle Wallis, qui donc fait Jennifer, elle a juste un rôle qui est écrit. Mais comme tout, hein, je pense que. En gros, la première moitié du scénario, ils avaient à peu près une idée, ils avaient à peu près écrit. Après. Elle sert plus à rien, c'est cata, quoi. Oui, c'est vrai. Donc non, rien de plus à dire. Je pense que c'est le moment de mettre une note pour peut-être chambouler le classement. C'est l'heure du Et oui, le cruisomètre, cette échelle de 0 à 100 où nous donnons une note d'appréciation, on va dire, exprimée en pourcentage, à la fin du visionnage, pour savoir quelle est la place de ce film dans l'héritage de Tom Cruise. Et ouais, quelle est la place? Je pense difficile. Que très clairement, on ne va pas monter très très très haut dans le classement. Eyes Wide Shut est à l'abri. Oui. Ça ne va pas détrôner aujourd'hui. Non, tout Top Gun non plus. Top pense. Gun non plus. Mais même le dernier Samouraï, je ne pense pas qu'il va être détrôné si on va aller vers les bas. Moi, très rapidement, je me suis dit, bon, c'est pas... Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas fait le box-office, ce qui peut aider des fois. Ah oui. Parce qu'il y a une histoire un peu particulière sur le box-office. Ah, interesting. Ouais. Bon, je le fais maintenant comme ça, c'est parce que ça va expliquer peut-être aussi un peu les notes. Budget de ce film, 125 millions de dollars. Quand même. C'est pas déconnant quand même. C'est un prix d'un Mission Impossible à peu près. Oui, mais c'est sûr que le truc de l'avion sans gravité. Après ça, t'as des scènes sous l'eau, t'as des trucs. Enfin, les pyramides, oui, les machins, cher. Les bidules, les déserts. Et ça, c'est le budget tournage. Ouais. Et ça a rapporté quand même 409 millions de dollars. Quand même. Oui. Donc tu te dis. Pas mal. Bah, tu te dis, ça va, opération réussie. Ouais. Sauf que d'une part, c'est que 80 millions de dollars aux États-Unis. Ah, et ça, pour une prod américaine, c'est pas bon. Ça, si tu fais pas au moins un truc. Et surtout, le gros problème, c'est qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'ils en ont passé énormément en termes de communication et de promotion. Ah. Et oui. Donc là, tu peux. Donc, tu vois, c'est 125 millions le tournage. Mais tu peux en rajouter deux fois ça juste pour la com. Ce qui est complètement absurde. Ah, oui, c'est énorme, apparemment. Parce que pour dire que ça foire, c'est que ça veut dire que ça te rapporte moins de fois. Donc, ils ont mis énormément d'argent. Waouh. C'est pour ça que ça a été arrêté après. Parce que je te dis 409, ça marche à l'international. Bon, pourquoi pas. Ouais. Ils ont mis trop d'argent par rapport à ce qu'ils ont rentré pour... Mais ils sont un peu ratés, même sur les thèmes de la momie. Pour commencer toute cette saga, pourquoi la momie en premier? Bah, pourquoi pas. Après, tu démarres par Frankenstein. Mais en fait, je pense que Frankenstein, ça peut faire un peu vieillot. Ben les si fantômes de l'opéra. Fantômes de l'opéra, ça fait un peu pointu, quoi. Ouais, ça aurait été cool, quoi. L'homme invisible, peut-être. L'homme invisible, tu vois. Ouais. Bon, bah, pardon. Du coup, c'est un échec. Ouais, c'est un gros échec. Donc, ouais. Forcément, il y a des rumeurs. En tout cas, Tom Cruise a l'air d'en faire largement partie de cet échec. Et ouais, c'est ça qui est triste. Le film n'est pas très, très bon. On ne peut pas se mentir. Oui, c'est un des plus mauvais qu'on ait jamais vu de toute l'histoire de Cruise Control. Mais il y en a des pires quand même. Bah, pas tant que ça. Ah, tu dirais pas tant que ça. Non. Intéressant. Tu vois, je me suis dit donc après c'est ça. C'est quoi me suis ta dit... note Non, parce que tu vois, par exemple, j'aime pas Legend. Je me suis fait vraiment chier tout ça. Mais je me dis, je préfère revoir Legend que ça. Ah, mais grave, mais Legend, il était. Oui, mais toi, t'aimes bien Legend. Non, mais tu vois, mais... alors, je me dis juste parce que la différence, c'est que dans Legend, il y a Tim Curry, par exemple. Mais je préférerais revoir Legend qui me. Je pourrais plus facilement m'attacher qu'à ce film ou là. Oui, là, t'as rien. Donc, j'envoie ça sous Legend. Tu te rends compte? Et Legend, j'avais pas dû mettre grand chose. J'avais mis 0. Non, j'avais mis 6 ou un truc à la con. Ah ouais, c'est peu, quoi. Oui. Ok, d'accord, donc tu me donnes combien? Et comme en plus, il y a toutes ces histoires où peut-être, où Tom Cruise aurait bien aidé, enfin, aurait fait partie des principaux acteurs pour que ça marche pas, j'ai mis 5,5. Parce que si je mets en dessous, j'ai Cocktail après et je peux pas mettre moins que Cocktail. Cocktail, c'était vraiment le pire truc. Donc, je mets 5,5. Ah ouais. Et ben, dis donc. Et pour une fois, c'est toi qui vas faire la gentille. Ouais, ben ouais. Parce que moi, je vais commencer avec 23%. Et là, j'ai dit, c'est trop. Oui. Donc, je vais donner 13%, mais ça m'est fait trop, peut-être. Ça fait combien en tout? Parce qu'il ne faut 13%. Pas que je le remonte trop. Ah, bah après, non, tu mets ce que toi, tu sens en ton âme et conscience. Oui, oui. Bah, non, mais c'est parce que je me dis, oui, en effet, c'est un flop et tout ça. Et en même temps, il n'y a rien où je me dis, putain, c'est vraiment problématique. Genre, c'est pas Valkyrie, quoi. Valkyrie, pour moi, c'est vraiment problématique au-delà du film qui était tout pas bien fait. Par ailleurs. Là, ça va. À part un truc sur les Égyptiens, un peu des gros clichés. Ouais, bah oui, mais ça, c'est le film d'aventure. Je pense que ça passerait encore, mais je trouve pas de truc. Après, je pense vraiment. T'inquiète pas, je pense que d'ici à ce qu'il aille sous Valkyrie, il y a de la marge. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'on l'avait mis quand même très, très bas. Je sais plus à combien on l'a mis. On l'a mis à 2,75. Ouais. Enfin, c'était très, très faible. Donc là, ça, par contre, là, moi, je suis pas content. Ouais, c'est qu'il est au-dessus de quoi? Il va être juste au-dessus de Cocktail. Il est entre Cocktail et Losing It. En haut des Cocktails? Il est au-dessus de Cocktail et non, sous Losing It. Je peux le baisser alors. Je mets... 8%, ça baisse ou pas? Sûrement, ouais. Je mets 7% si tu veux. Non, mais 13 si tu veux mettre 13. Non, c'est vrai, c'est bien de penser qu'il ne faut pas qu'il dépasse Cocktail. C'est, bien. C'est que Cocktail, ça a été un succès pour des mauvaises raisons. C'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'un énorme flop comme La Momie, qui est aussi un mauvais film, comment tu le places par rapport à Cocktail, qui a été un carton, qui a donné, mine de rien, beaucoup d'images à Tom Cruise, mais qui est vraiment pour les mauvaises raisons, ce film. Oui. C'est délicat, hein? Ah, c'est chaud. C'est des limites de notre exercice du cruisomètre. Bah ouais. Bref. Bah vas-y, je baisse à disons 7%. Oula, bah quand tu baisses pas à moitié, toi. Je baisse par moitié. Ah bah ouais, tu passes de 13 à 7. C'est bah énorme. Oui. Bah okay. Oui. Ok, non, non, mais allons-y. 7%. Bah, tu m'as dit ce truc de... Bah... Ah non, mais après, ça... Bah ouais, bah de toute façon, c'est pas bon. Hein. Voilà. Non, c'est pas bon, quoi qu'il arrive. Et puis en vrai, en plus, même, tu vois, je le conseille pas. Hein, parce que même par curiosité nanardesque, je trouve pas ça intéressant, en fait. Bah, ça dépend si tu te fais une bonne rigolade aux dépenses... Je pense que tu peux rigoler quand même de ce film. Notamment toute la scène avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est vachement... C'est tellement mal joué que c'est ouais, drôle. Mais je sais pas. C'est... Mais bon, c'est pas les nanars. Non, je trouve que c'est pas... Ça... Enfin, moi, je... Non, je te dis, je... Même pas fun. Ouais, d'accord. Et en tout cas, je me dis que peut-être j'ai pas vu ces momies-là. J'ai vu la momie ancienne, ah la oui, vraie momie, quoi. Celui de Stephen Sommers. Ben je pense, parce avec que Brendan c'est pas possible. Là, là voilà. je suis en train de me dire que 2017, et c'est il y a quelques jours. Quoi. Oui, là, oui. Il y avait... Donc ouais, peut-être que je l'avais jamais vu. Bon, bref. Bon. Allez, une petite question avant de finir. Ah oui. Allez, une petite question. Why is Tom Cruise no, Ken always Tom Cruise? Running? Why is Tom Cruise Ken always Tom Cruise? Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise and Tom play Cruise guitar? Fly a helicopter? Tom Cruise did Tom fly Cruise a plane? Really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. Alors la question du jour, Serena. Oui. Est-ce que Tom Cruise est, enfin Tom Cruise est-il soluble dans le Hollywood actuel? Soluble. Soluble. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est adapté à la manière de produire d'Hollywood. Alors, je dis ça surtout par rapport aux franchises et tout ça. Parce que là, on est quand même dans un cycle où toutes les grosses prods cherchent à avoir leur franchise et à rincer, ou avoir des propriétés intellectuelles à rincer. Ouais. Et là, ben, c'est la... Alors, il y a Mission Impossible, qui est de la franchise de Tom Cruise, mais on va mettre à part, entre guillemets, puisque c'est un peu... le truc qu'il a fait lui-même et qu'il met de A à Z, et puis qui est une franchise un peu basique et pas un univers étendu, qui est juste une série de films. Oui, oui. Mais dans la logique des productions, de faire des franchises, etc., est-ce que Tom Cruise est un bon client pour ça? Est-ce qu'il est non. bien adapté? Non. Mais non. Ben voilà, c'était c'est la fini. Question du jour. Non, mais je me dis aussi par rapport, par exemple, aux entretiens. Entretiens, je veux dire, avec les journalistes, même dans la publicité des films. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas entretien, comment on dit? Dans la com, dans les interviews? Dans les interviews, voilà. Oui. Je le trouve vraiment pas... En fait, on le voit plus jamais, on le voit seul. Il n'y a aucune... il les laisse, même les majors, les prods et tout ça, ils ne le laissent plus aller tout seul. Alors que dans d'autres films... La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'est... Bah oui, ça s'est très mal passé. Mais du coup, il n'est plus soluble non plus dans la vente. Parce que ces trucs-là, les Avengers, par exemple, oui, ça marche aussi parce qu'ils sont hyper cool, ils sont drôles, tu vois tous les derrière les trucs, machin. Tom Cruise, il est un peu comme ça, en mode Mission Impossible, c'est cascade. Oui, il est oui, hyper oui. sérieux, quoi, mais il n'est pas dans la blagounette, les machins, les trucs un il peu brillants. Pas trop dans le people. Non, je crois pas paillette, quoi. Ouais. Pas Oscar, tout oui. simplement. Et oui, du oui. coup, je pense que ça grince un peu dans ces trucs-là de. Et pas épopée, mais de. Des films oui. qui reviennent avec plein de personnages, d'univers. Déjà, il faut qu'ils se. Qu'il soit pas lui au-dessous de tout le monde, mais il faut qu'il soit à la même hauteur que d'autres. Je pense qu'il y a ce truc-là aussi où c'est compliqué, parce que là, c'est ce qu'ils ont l'air de dire sur la momie, c'est qu'il veut tellement tout contrôler que c'est pas gérable. Voilà. Soit tu lui dis, ok, ça c'est ton film et tu te fais ton truc et voilà. Et voilà. Et nous, on se démerde pour le raccrocher avec l'univers. Oui, oui. Mais sinon, oui. Il peut pas être au service d'autre chose que c'est un ce peu truc-là ça. Qui l'anime, quoi. Oui. Il est au service de sa mythologie à lui. Bah ouais. Parce bah plus, maintenant, oui. Plus là, c'est quand même le truc, ça finit où il est un dieu. Mais grave, ce non, mais c'est un truc de malade. C'est pas innocent, quoi. Non, mais grave. Et c'est peut-être pas. Oui, c'est peut-être pas anodin. En plus, c'est Macquarie qui a écrit le truc de base. Peut-être qu'il y a eu des trucs, je sais pas. Mais... Ouais, je sais pas trop. Mais voilà, je me dis, bon, lui, il faut qu'il soit au-dessus de tout le monde. Il faut que les trucs. Et aussi, tu peux pas demander à Tom Cruise de rentrer dans un truc comme ça. Je veux dire, lui, il a 40 ans de carrière, tu vois. C'est pas des jeunes qui commencent les Avengers. Bon, à part Robert Downey Jr. Il y en a quand même qui avaient des grosses carrières qui ont joué dans des Marvel. Oui, mais pas. C'est pas 40 ans de carrière. Je sais pas. Bah, après, t'en as. Tu vois, mine de rien, Samuel Jackson. Si, Samuel Jackson, il a fait un caméo. Mais... Bah, il est dans tous les films. Enfin, il est pilier du Marvel machin univers. Oui, mais il est pas. Moi, je le reconnaîtrais pas comme un de. Parce que moi, j'imagine les Avengers vraiment comme. Ah, mais oui, un effet. Oui, chacun qui a vu un film. Non, c'est vrai que c'est pas. Bah, après, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération. De la génération de Tom Cruise, effectivement, même Robert Downey Jr., il est plus jeune. Hein. Ben, je sais pas, mais après Robert Downey Jr., il a toute une. Ouais, lui, il avait besoin d'un truc comme ça pour survivre, hein, c'est sûr. C'est ça. Bon, je sais pas. Bref. Ouais, bon. Mais non, peut-être pas. Non, on est d'accord que Tom Cruise n'est que là pour être. Sur sa carrière. Enfin, pour il est vraiment, finir sa mythologie. C'est ça, hein. Ouais. Il est que dans l'écriture de sa mythologie, on est d'accord. Ouais. Très bien. Très bien. Des recommandations. Yes. En avez-vous? Tu n'en as pas. Bof. Là, ouais. J'en ai une, mais vraiment tirée par les cheveux. Et si je dis pourquoi, je ruine le film. Donc, que je recommande. Ah, non. Mais si je veux dire, tu ruines celui-là, c'est pas grave. Mais peut-être tu l'as. Je l'ai déjà faite, c'est sûr. La cabane dans les bois, tu l'avais vu ou pas? Non. Ben, c'est assez intéressant. C'est horreur, mais comédie horreur. Ouais. Et c'est tout un truc assez brillant sur tous les clichés des horreurs américains avec la vierge, les footballeurs, les losers, la nana un peu. Ok. Et. Avec tous les clichés de l'horreur, mais utilisé dans une grande histoire qui est assez génialissime. Et je ne peux pas dire grand-chose pour le vendre. Mais non, mais c'est pas mal. Ça donne un peu envie parce que du coup... Mais du coup, ils ont inventé un système pour jouer sur les codes de l'horreur. Et voilà. Et ça parle un peu de parce que là, ça m'a fait penser par rapport au sacrifice d'une personne par rapport pour sauver toute l'humanité. Oui, ah, d'accord. Très tiré par les cheveux, mais tout, vous non, verrez. Vous voyez, bah après, c'est un film d'horreur, ok. Il est drôle. Ça fait pas peur, en fait. Mais c'est assez. Et il y a un des débuts les plus beaux. Je trouve que c'est génial. Jusqu'au titre du début, t'es là. What the fuck? Okay, la cabane dans les bois. Ouais. Allez, c'est noté. Voilà. Bah, et toi? Eh bien, moi aussi, c'est un film. Ah, cool. Parce que comme t'as les monstres Universal, tout ça, machin, ça. Un film de Mel Brooks sorti en 73 je crois, ouais 74 qui s'appelle Frankenstein Junior français ou Young Frankenstein en version originale. Trop qui bien. Est une espèce de, comme tous les trucs de Mel Brooks, de parodie hommage des films des années 30-40 de d'Universal quoi. Trop bien. Avec Gene Wilder, Marty Feldman et c'est génial, enfin c'est très très drôle, moi ouais, ça me fait rire, enfin, c'est le genre de film qui me fait rire. Et Frankenstein Jr. est très très marrant et hyper fidèle, c'est un bel hommage aussi. C'est pas qu'une parodie. Enfin, y a ouais, vraiment c'est une... pas la parodie un peu poète-poète. Ouais, c'est pas tout. Que ça. Il y a des trucs un peu poète-poète mais qui sont très drôles. Mais il y a vraiment un bel hommage, même dans l'image et tout, c'est très très chouette. C'est vrai. Very good. Parfait. T'en as d'autres? Ah non, j'avais que ça. C'est bien. Mais attends, c'est quand même. C'est là pour la peine, on est pile dans le thème. Hein. Des top. Ouais, monstre universel, merci, au revoir. Quoi. Voilà. Jamais, on n'en reparle plus. Allez, comme ça, c'est fini. C'est dommage pourtant, on aurait aimé. Ouais. Mais bon, Dark Mais je suis sûr qu'ils vont le faire à un moment donné. Non, ils vont reprendre. Il va falloir attendre. Hein. Il va falloir oui, laisser oui, oui, mais t'inquiète, ils vont le faire. Ou alors ils ne le disent pas, mais ils font des films. Ils commencent. Et au bout d'un moment, ils disent en fait, c'était notre plan depuis le début. Il faut vraiment qu'ils disent rien, qu'ils fassent des films, juste, et qu'on verra après. Et qu'ils laissent faire des bons metteurs en scène. Oui. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Yes. Pour ce qui sera l'avant-dernier épisode de Cruise Control. Bon, l'avant-dernier, mais il y en aura d'autres. Hein. Ouais. C'est pas fini non plus, on se laisse pas comme ça. Mais en tout cas, dans 2 semaines, nous allons parler de American Made, ou Barry Seal en français. Barry Seal. Ah ouais. Oui, il faut donner les deux noms parce que si tu le cherches, des fois tu vas avoir American Made ou Barry Seal, qui n'a rien à voir, mais ce sont les le deux titres pour film. Le même film. Film de Doug Liman. Ah, crois. Doug Liman. Notre ami Doug. voilà, on se retrouve d'ici là. Vous pouvez réécouter tous les épisodes qu'on a fait jusqu'ici, jusqu'à présent. Vous pouvez regarder les films. Qu'on a fait avant, qu'on a fait après, qu'on fera peut-être un jour ou jamais. Vous mettez des cœurs partout sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, @cruiseometer. Vous en parlez à des gens à gauche, à des gens à droite, à des gens au milieu, à des gens devant, à des gens derrière. Voilà, très tout le monde. Qu'est-ce que vous allez sur PodCloud, qui est notre hébergeur, qui a un énorme catalogue avec plein de podcasts très bien. Oui. Oui, il y en a plein des très très bien. Qui parle de cinéma, qui parle pas de cinéma, peu importe. Qui parle des tout. Qui parle y a de tout. Tout. Plus des 5000. Plus de 5000 podcasts. Rendez-vous compte. Non, mais c'est un truc de malade. Tout ça hébergé par nos amis de chez PodCloud. Ouais. Fantastique. Et voilà. Ouais. Si, en mention quand même, si vous aimez les nanars vraiment, vous pouvez écouter le podcast de Nanarland. Ah, mais oui, que, grave. C'est quand même, une référence. Mais ils ne parleront jamais, je pense, de celui-là parce que c'est pas vraiment un nanar. Bah, je pense pas non plus. Malheureusement. Mais... Bon, on les embrasse. Ouais. Et puis on se dit à dans 2 semaines. Ouais, des bisous.